La mort de la terre, écrit par Joseph-Henri Rony, aîné, lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre, paroles à travers l'étendue. L'affreux vent du nord s'était tu. Sa voix mauvaise, depuis 15 jours, remplissait l'oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les brises ouragans et les serres de silice élastique. Enfin, l'oasis commençait à tiédir. Targ, le veilleur du grand planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes au temps divin de l'eau. Que les plantes étaient belles encore. Elles reportaient Targ à l'amont des âges, alors que des océans couvraient les trois quarts du monde, que l'homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs, des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes. La vie pullulait jusqu'au plus profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d'algues, comme des forêts d'arbres et des savanes d'herbes. Un avenir immense s'ouvrait devant les créatures. L'homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l'agonie durerait plus de 100 millénaires? Targ leva les yeux vers le ciel, où plus jamais ne paraîtraient des nuages. La matinée était fraîche encore, mais à midi, l'oasis serait torride. « La moisson est prochaine », murmura le veilleur. Il montrait un visage bistre, des yeux et des cheveux aussi noirs que l'anthracite. Comme tous les derniers hommes, il avait la poitrine spacieuse, tandis que le ventre se rétrécissait. Ses mains étaient fines, ses mâchoires petites. Ses membres décelaient plus d'agilité que de force. Un vêtement de fibres minérales, aussi souple et chaud que les laines antiques, s'adaptait exactement à son corps. Son être exhalait une grâce résignée, un charme craintif, que soulignaient les joues étroites et le feu pensif des prunelles. Il s'attardait à contempler un champ de hautes céréales, des rectangles d'arbres, dont chacun portait autant de fruits que de feuilles, et il dit « Âge sacré, aube prodigieuse où les plantes couvraient la jeune planète !» Comme le grand planétaire était aux confins de l'oasis et du désert, Targ pouvait apercevoir un sinistre paysage de granit, de silices et de métaux, une plaine de désolation étendue jusqu'au contrefort des montagnes nues, sans glacier, sans source, sans un brin d'herbe ni une plaque de lichen. Dans ce désert de mort, l'oasis, avec ses plantations rectilignes et ses villages métalliques, était une tâche misérable. Targ sentit peser la vaste solitude et les monts implacables. Il leva mélancoliquement la tête vers la conque du grand planétaire. Cette conque étalait une corolle soufre vers l'échancrure des montagnes. Faite d'arcom et sensible comme une rétine, elle ne recevait que les rythmes du large émanés des oasis et, selon le réglage, éteignait ceux auxquels le veilleur ne devait pas répondre. Targ l'aimait comme un emblème des rares aventures encore possibles à la créature humaine. Dans ses tristesses, il se tournait vers elle, il en attendait du courage ou de l'espérance. Une voix le fit tressaillir. Avec un faible sourire, il vit monter vers la plateforme une jeune fille aux contours rythmiques. Elle portait librement ses cheveux de ténèbres. Son buste ondulait aussi flexible que la tige des longues céréales. Le veilleur la considérait avec amour. Sa sœur, Arva, était la seule créature près de qui il retrouva ces minutes subites, imprévues et charmantes, où il semblait que, Au fond du mystère, quelques énergies veillaient encore pour le sauvetage des hommes. Elle s'exclama avec un rire contenu. « Le temps est beau, Targ, les plantes sont heureuses !» Elle aspira l'odeur consolante qui sourde la chair verte des feuilles. Le feu noir de ses yeux palpitait. Trois oiseaux planèrent au-dessus des arbres et s'abattirent au bord de la plateforme. Ils avaient la taille des anciens condors, des formes aussi pures que celles des beaux corps féminins, d'immenses ailes argentines, glacées d'améthyste, dont les pointes émettaient une lueur violette. Leur tête était grosse, leur bec très court, très souple, rouge comme des lèvres, et l'expression de leurs yeux se rapprochait de l'expression humaine. L'un d'eux, levant la tête, fit entendre des sons articulés. Targ prit la main d'Arva avec inquiétude. « Tu as compris ? » fit-il. « La terre s'agite. » Quoique depuis très longtemps aucune oasis n'eût péri par les secousses sismiques et que l'amplitude de celles-ci eût bien diminué depuis l'ère sinistre où elles avaient brisé la puissance humaine, Arva partagea le trouble de son frère. Mais une idée capricieuse lui passant par l'esprit, « Qui sait ? » fit-elle. « Si, après avoir fait tant de mal à nos frères, les tremblements de terre ne nous deviendront pas favorables ?»« Et comment ?» demanda Targ avec indulgence. « En faisant reparaître une partie des eaux ?» Il y avait souvent rêvé, sans l'avoir dit à personne, car une telle pensée eût paru stupide et presque blasphématoire à une humanité déchue dont toutes les terreurs évoquaient des soulèvements planétaires. « Tu y penses donc aussi ? » s'exclama-t-il avec exaltation. « Ne le dis à personne, tu les offenserais jusqu'au fond de l'âme. Je ne pouvais le dire qu'à toi. » De toutes parts surgissaient des bandes blanches d'oiseaux. Ceux qui avaient rejoint Targ et Arva piétaient avec impatience. Le jeune homme leur parlait en employant une syntaxe particulière, car à mesure que se développait leur intelligence, les oiseaux s'étaient initiés au langage, un langage qui n'admettait que des termes concrets et des phrases images. Leur notion de l'avenir demeurait obscure et courte. Leur prévoyance instinctive. Depuis que l'homme ne se servait plus d'eux comme nourriture, ils vivaient heureux, incapables de concevoir leur propre mort et plus encore la fin de leur espèce. L'oasis en élevait 1200 environ, dont la présence était d'une vive douceur et fort utile. L'homme, n'ayant pu regagner l'instinct, perdu pendant les ères de sa puissance, la condition actuelle du milieu le mettait aux prises avec des phénomènes que ne pouvaient guère signaler les appareils, si délicats pourtant, hérités des ancêtres, et que prévoyaient les oiseaux. Si ceux-ci avaient disparu, dernier vestige de la vie animale, une plus amère désolation se serait abattue sur les âmes. Le péril n'est pas immédiat, murmura Targ. Une rumeur parcourait l'oasis. Des hommes jaillissaient aux abords des villages et des emblavures. Un individu trapu, dont le crâne massif semblait directement posé sur le torse, apparut au pied du grand planétaire. Il ouvrait des yeux dessillés et pauvres, dans un visage couleur diode. Ses mains plates et rectangulaires oscillaient au bout des bras, courts. « Nous verrons la fin du monde, » grogna-t-il. « Nous serons la dernière génération des hommes. » Derrière lui, on entendit un rire caverneux. Dan, le centenaire, se montra avec son arrière-petit-fils et une femme aux yeux longs, aux cheveux de bronze. Elle marchait aussi légèrement que les oiseaux. « Non, nous ne la verrons pas, » affirma-t-elle. « La mort des hommes sera lente. » L'eau décroîtra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques familles autour d'un puits, et ce sera plus terrible. « Nous verrons la fin du monde, » s'obstina l'homme trapu. « Tant mieux, » fit l'arrière petit-fils de Dan, « que la terre boive aujourd'hui même les dernières ressources. » Sa face sinueuse, très étroite, décelait une tristesse sans bornes. Il s'étonnait lui-même de n'avoir pas supprimé son existence. « Qui sait s'il n'y a pas un espoir ?» marmonna l'ancêtre. Le cœur de Targ battit. Il abaissa vers le centenaire des yeux où scintilla la jeunesse. « Oh, père ! » s'écria-t-il. Déjà la face du vieillard s'était immobilisée. Il retomba dans ce rêve taciturne qui le faisait ressembler à un bloc de basalte. Targ garda pour lui sa pensée. La foule grossissait aux confins du désert et de l'oasis. Quelques planeurs s'élevèrent qui venaient du centre. On était à l'époque où le travail ne sollicitait guère les hommes. Il n'y avait qu'à attendre le temps des récoltes, car aucun insecte, aucun microbe ne survivait. Resserrés sur d'étroits domaines, hors desquels toute vie protoplasmique était impossible, les aïeux avaient mené une lutte efficace contre les parasites. Même les organismes microscopiques ne purent se maintenir, privés de cet imprévu qui résulte des agglomérations denses, des grands espaces, des transformations et des déplacements perpétuels. D'ailleurs, maîtres de la distribution de l'eau, les hommes disposaient d'un pouvoir irrésistible contre les êtres qu'ils voulaient détruire. L'absence des anciens animaux domestiques et sauvages, véhicules incessants d'épidémies, avait encore avancé l'heure du triomphe. Maintenant, l'homme, les oiseaux et les plantes étaient pour toujours à l'abri des maladies infectieuses. Leur vie n'en était pas plus longue. Beaucoup de microbes bienfaisants ayant disparu avec les autres, les infirmités propres à la machine humaine s'étaient développées et des maladies nouvelles avaient surgi, maladies que l'on eût pu croire causées par des microbes minéraux. Par suite, l'homme retrouvait au-dedans des ennemis analogues à ceux qui le menaçaient au-dehors, et quoique le mariage fût un privilège réservé aux plus aptes, l'organisme atteignait rarement un âge avancé. Bientôt, plusieurs centaines d'hommes se trouvèrent réunis autour du grand planétaire. Il n'y avait qu'un faible tumulte. La tradition du malheur se transmettait depuis trop de générations pour ne pas avoir tari ces réserves d'épouvante et de douleur qui sont la rançon des joies puissantes et des vastes espérances. Les derniers hommes avaient une sensibilité restreinte et guère d'imagination. Toutefois, la foule était inquiète. Quelques visages se crispaient. Ce fut un soulagement lorsqu'un quadragénaire, sautant d'une motrice, cria « Les appareils sismiques ne signalent rien encore, la secousse sera faible. »« De quoi nous inquiétons-nous » s'écria la femme aux longs yeux. « Que pouvons-nous faire et prévoir ? Toutes les mesures sont prises depuis les siècles des siècles. Nous sommes à la merci de l'inconnu. C'est une affreuse sottise de s'enquérir d'un péril inévitable. »« Non, Hélé !» répondit le quadragénaire. « Ce n'est pas de la sottise, c'est de la vie. Tant que les hommes auront la force de s'inquiéter, leurs jours auront encore quelque douceur. Après, ils seront morts dès l'heure de leur naissance. »« Qu'il en soit ainsi, » ricana le petit-fils de Dan. « Nos joies misérables et nos débiles tristesses valent moins que la mort. » Le quadragénaire secoua la tête. Comme Targ et sa sœur, il avait encore de l'avenir dans son âme, et de la force dans sa large poitrine. Son regard clair, rencontrant les yeux frais d'Arva, une fine émotion accéléra son souffle. Cependant, d'autres groupes se rassemblaient aux divers secteurs de la périphérie. Grâce aux ondifères disposés de mille en mille mètres, ces groupes communiquaient librement. On pouvait entendre à volonté les rumeurs d'un district ou même de toute la population. Cette communion condensait l'âme des foules et agissait comme un stimulant énergique. Et il y eut une manière d'exaltation lorsqu'un message de l'oasis des terres rouges vibra dans la conque du grand planétaire et se répercuta d'ondifère en ondifère. Il apprenait que là-bas, non seulement les oiseaux, mais les sismographes annonçaient des troubles souterrains. Cette confirmation du péril resserra les groupes. Mano, le quadragénaire, avait gravi la plateforme. Targ et Arva étaient pâles, et, comme la jeune fille tremblait un peu, le nouveau venu murmura. L'étroitesse même des oasis et leur petit nombre doivent nous rassurer. La probabilité est bien faible qu'elles se trouvent dans les zones dangereuses. D'autant moins le sont-elles, appuya Targ, que c'est leur position même qui jadis les a sauvées. Le petit-fils de Dan avait entendu. Il eut son ricanement sinistre. Comme si les zones ne variaient pas de période en période. D'ailleurs, ne peut-il suffire d'une faible secousse, mais frappant juste, pour tarir les sources ? Il s'éloigna, plein d'une ironie morne. Targ, Arva et Mano avaient tressailli. Ils demeurèrent une minute taciturnes. Puis le quadragénaire reprit. Les zones varient avec une extrême lenteur. Depuis 200 ans, les fortes secousses ont passé au large du désert. Leurs répercussions n'ont pas altéré les sources. Seules les terres rouges, la dévastation et l'occidentale sont voisines des régions dangereuses. Il considérait Arva avec une admiration douce, où levait la fleur d'amour. Veuf depuis 3 ans, il souffrait de la solitude. Malgré la révolte de son énergie et de sa tendresse, il s'y était résigné. Les lois fixaient avec rigueur le nombre des unions et des naissances. Mais depuis quelques semaines, le Conseil des 15 avait inscrit Mano parmi ceux qui pouvaient refaire une famille. La santé de ses enfants justifiait cette faveur. Et l'image d'Arva se métamorphosant dans l'âme de Mano, la légende obscure, une fois encore, recevait la lumière. « Mêlons de l'espoir à nos inquiétudes !» s'exclama-t-il. « Est-ce que même aux merveilleuses époques de l'eau, la mort de chaque homme n'était pas pour lui la fin du monde ? Ceux qui vivent en ce moment sur la terre courent bien moins de risques individuellement que nos pères d'avant l'ère radioactive. » Il parlait fermement, car il avait toujours repoussé cette résignation lugubre qui dévastait ses semblables. Sans doute un trop long atavisme ne lui permettait de la fuir que par intermittence. Toutefois, il avait plus qu'un autre connu la joie de vivre l'étincelante minute qui passe. Arva l'écoutait avec faveur, mais Targ ne pouvait pas concevoir qu'on négligeât l'avenir de l'espèce. Si, comme Mano, il lui arrivait d'être brusquement saisi par la volupté fugitive, il y mêlait toujours ce grand rêve du temps qui avait mené les ancêtres. « Je ne puis me désintéresser de notre descendance, » riposta-t-il, étendant la main vers l'immense solitude. « Que l'existence serait belle si notre règne occupait ces affreux déserts. Ne songez-vous jamais qu'il y avait là des mers, des lacs, des fleuves, des plantes innombrables et, avant la période radioactive, des forêts vierges ? Ah, Mano, des forêts vierges ! Et maintenant une vie obscure dévore notre antique patrimoine. » Mano leva doucement les épaules. C'est un mal d'y penser, puisque, en dehors des oasis, la terre est aussi inhabitable pour nous, plus peut-être que Jupiter ou Saturne. Une rumeur les interrompit. Les têtes se dressèrent attentives. On vit survenir une nouvelle troupe d'oiseaux. Ils annonçaient que là-bas, à l'ombre des rocs, une jeune fille évanouie était la proie des ferromagnétos. Et tandis que deux planeurs s'élevaient sur le désert, la foule songeait aux étranges créatures magnétiques qui se multipliaient sur la planète pendant que déclinait l'humanité. De longues minutes s'écoulèrent, les planeurs reparurent. L'un d'eux rapportait un corps inerte, en qui tous reconnurent Elma la nomade. C'était une fille singulière, orpheline et peu aimée, car elle avait des instincts de rôdeuse, dont la sauvagerie déconcertait ses semblables. Rien ne pouvait l'empêcher, certains jours, de fuir à travers les solitudes. On l'avait déposée sur la plateforme du planétaire. Son visage, mis enseveli dans les longs cheveux noirs, apparut livide, encore que parsemé de points écarlates. « Elle est morte ?» déclara Mano. « Les autres ont bu sa vie !» Pauvre petite Elma, s'écria Targ. Il la considérait avec pitié, et, si passive qu'elle fût, la foule grondait de haine contre les féraux Magnéto. Mais les résonateurs, clamant des phrases éclatantes, détournèrent l'attention. Les sismographes décèlent une secousse brusque dans la zone des terres rouges. Ah! Ah! Cria la voix plaintive de l'homme trapu. Aucun écho ne lui répondit. Les visages étaient dirigés vers le grand planétaire. La multitude attendait dans une frissonnante impatience. « Rien !» s'exclama Mano après 2 minutes d'attente. « Si les terres rouges avaient été atteintes, nous le saurions déjà. » Un appel strident lui coupa la parole, et la conque du grand planétaire clama « Immense secousse ! L'oasis entière se soulève. Catas !» Puis des sons confus, un entrechoquement sourd, le silence. Tous, hypnotisés, attendirent pendant plus d'une minute. Ensuite, la foule eut une rude respiration. Les moins émotifs s'agitèrent. « C'est un grand désastre !» annonça le vieux Dan. Personne n'en doutait. Les terres rouges possédaient 10 planétaires de grande communication, dirigeables en tous sens. Pour que les 10 se tussent, il fallait qu'ils fussent tous déracinés ou que la consternation des habitants fût extraordinaire. Targ, orientant le transmetteur, darda un appel prolongé. Aucune réponse. Une lourde horreur pesa sur les âmes. Ce n'était pas le trouble ardent des hommes de jadis, c'était une détresse lente, lasse, dissolvante. Des liens étroits unissaient les hautes sources et les terres rouges. Depuis 5000 ans, les deux oasis s'entretenaient des relations continues, soit par les résonateurs, soit par des visites fréquentes, en planeurs ou en motrices. 30 relais, munis de planétaires, jalonnaient la voie longue de 1700 kilomètres qui reliait les 2 peuplades. « Il faut attendre !» clama Targ, penché sur la plateforme. « Si l'affolement empêche nos amis de répondre, ils ne sauraient tarder à reprendre leur sang-froid. » Mais personne ne croyait que les hommes des Terres Rouges fussent capables d'un tel affolement. Leur race était moins émotive encore que celle des hautes sources. Capable de tristesse, elle ne l'était guère d'épouvante. Targ, lisant l'incrédulité sur tous les visages, reprit. « Si leurs appareils sont détruits, avant 1 quart d'heure, des messagers peuvent atteindre le 1er relais. À moins, objecta Haley, que les planeurs ne soient endommagés. Quant aux motrices, il est improbable qu'elles franchissent avant quelque temps une enceinte en décombre. » Cependant, la population tout entière se portait vers la zone méridionale. En 1 minute, les planeurs et les motrices versèrent des 1000 000 d'hommes et de femmes vers le grand planétaire. Les rumeurs montaient, comme de longs souffles, entrecoupés de silence. Et les membres du Conseil des 15, interprétateurs des lois et juges des actes unanimes, se rassemblèrent sur la plateforme. On reconnaissait le visage triangulaire, la rude chevelure blanc de sel de la vieille Bamar, et la tête bosselée d'Oural, son mari, dont 70 ans de vie n'avait pu pâlir la barbe fauve. Ils étaient laids, mais vénérables, et leur autorité était grande, car ils avaient donné une descendance sans tare. Bamar, s'assurant que le planétaire était bien orienté, envoya à son tour quelques ondes. Devant le silence du récepteur, son visage s'assombrit encore. « Jusqu'à présent, la dévastation est sauve, » murmura Oural, « et les sismographes n'annoncent aucune secousse dans les autres zones humaines. » Soudain, un bruissement d'appel strida, et tandis que la multitude se dressait hypnotique, on entendit gronder le grand planétaire. Du 1er relais des terres rouges, 2 secousses puissantes ont soulevé l'oasis. Le nombre des morts et des blessés est considérable. Les récoltes sont anéanties. Les eaux semblent menacées. Des planeurs partent pour les hautes sources. Ce fut une ruée. Les hommes, les planeurs et les motrices surgissaient par torrents. Une excitation inconnue depuis des siècles soulevait les âmes résignées. La pitié, la crainte et l'inquiétude rajeunissaient cette multitude du dernier âge. Le conseil des quinze délibérait, tandis que Targ, tout tremblant, répondait au message des terres rouges et annonçait le départ prochain d'une délégation. Aux heures tragiques, les trois oasis sœurs, Terre Rouge, Haute Source, la dévastation, se devaient des secours. Omal, qui avait une connaissance parfaite de la tradition, déclara « Nous avons des provisions pour 5 ans. Le quart peut être réclamé par les Terres Rouges. Nous sommes aussi tenus de recueillir 2000 réfugiés, si c'est inévitable. Mais ils n'auront que des rations réduites et il leur sera interdit de s'accroître. Nous-mêmes devrons limiter nos familles, car il faut avant 15 ans ramener la population aux chiffres traditionnels. » Le conseil approuva ce rappel aux lois. Puis Bamar cria vers la foule. « Le conseil va nommer ceux qui partiront pour les terres rouges. Il n'y en aura pas plus de 9. D'autres seront envoyés lorsque nous connaîtrons les besoins de nos frères. » « Je demande à partir, » supplia le veilleur. « Et moi ?» ajouta vivement Arva. Les yeux de Mano étincelèrent. « Si le conseil le veut, je serai aussi parmi les envoyés. » Omal leur jeta un regard favorable, car il avait jadis, comme eux, connu ces mouvements spontanés, si rares parmi les derniers hommes. À part Amat, adolescent frêle, la foule attendait passivement la décision du conseil. Soumise aux règles millénaires, accoutumées à une existence monotone que troublaient seuls les météores, les peuplades avaient perdu le goût de l'initiative. Résignées, patientes, douées d'un grand courage passif, rien ne les excitait aux aventures. Les déserts énormes qui les enveloppaient, vides de toute ressource humaine, pesaient sur leurs actes comme sur leurs pensées. « Rien ne s'oppose au départ de Targ d'Arva et de Mano, » remarqua la vieille Bamar. « Mais la route est longue pour Amat, que le conseil décide. » Tandis que le conseil délibérait, Targ contemplait l'étendue sinistre. Une douleur amère l'accablait. Le désastre des terres rouges pesait sur lui plus pesamment que sur ses frères, car leurs espoirs ne portaient que sur la lenteur des finales d'échéance, tandis qu'ils s'obstinaient à rêver des métamorphoses heureuses. Et les circonstances confirmaient amèrement la tradition.